セキュリティ、セキュリティ、セキュリティ、ワイフ、ラット、タッチング、ヘッヘッド、ウィザクローン、オフ、オリーブオイル、イシッ、sleeping while she sustains the sword with right hand and put her cheek on the left. Setting her shoulder on the indicate hand over a column were depicted side by side. Security in a medal of gold of the Emperor Otón. It can be seen the same way the figure of a woman whose right hand holds a crown and whose left is holding a sword, where we see this letter who say as follows: Securitas. Sécurité et tranquillité dans la médaille de Giordano. Une autre femme qui apparaît mise debout et appuyée sur une colonne. Elle tient entre ses mains un sceptre ou une lance et elle est située devant un autel. De tout cela, l'on comprend que ce qui est bon avec Dieu, comme indique le sacrifice, peut tranquillement reposer dans la plus grande des sécurités. N'importe quoi. Tradition. Cesare Ripa. Iconologie. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. La conscience. N'importe quoi. La conscience se perd en chemin et égare la vérité aussi unique que polydimensionnelle. En partant de A, celui représentant pour ceux qui naviguent en réalité, de D, un triangle aussi ouvert mais barré comme un fan futuristique de chat pianiste à chapeau de pastèque que pic pic clic, l'astérique des erreurs à vitesse lunaire, bonnet oméga, en cercle tout juste tracé vers le B, aussi bêta qu'un citadin salarié surinant sa conscience, sa conscience, sa conscience, sa conscience surannée sous son temps social, suivant ses assassins du sens, qui n'est que mon malédiction, prophétie parolière en massage monteur, spectacle, d'un verbe qui est vengeance, le verbe est vengeance, le mot malédiction, le verbe est vengeance, le mot malédiction, le verbe est vengeance, le mot malédiction.